إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله ça me fait plaisir de pouvoir participer à ce séminaire qui a été organisé ici à la mosquée Farouk, alhamdoulilah. Et on a décidé de faire ce séminaire sur le sujet de istiqamat al-shabab, yani asbab istiqamat al-shabab, les causes de yani la fermeté des jeunes sur l'obéissance et le fait qu'ils se détournent de la désobéissance et de la déviation, et les choses qui peuvent être des causes dans la déviation des jeunes. Et c'est un sujet qui est très important, et une des raisons pourquoi c'est important, c'est parce que les jeunes représentent en réalité l'avenir de la Umma. Les jeunes représentent l'avenir de la Umma. Et donc, on a constaté, et tout le monde le voit, que les gens de la déviation, les gens de l'égarement, les gens de bid'a, ils font beaucoup d'efforts et ils se concentrent beaucoup sur les jeunes pour essayer de les amener vers leur chemin de déviation et d'égarement. Et donc, on voit qu'ils ont des programmes, ils organisent des choses pour les attirer, ils font des activités, ils font toutes sortes de choses pour les égarer. Et donc, c'est, dans ce cas-là, c'est important de constater que, une fois qu'on voit ces choses-là, il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les jeunes musulmans soient protégés. Et il n'y a pas une meilleure protection contre la déviation et l'égarement que, premièrement, la sincérité et ensuite la science bénéfique. Sans la science, on n'est pas capable de se protéger contre les déviations et les différentes ambiguïtés et les doutes que peuvent nous lancer les gens de la déviation et de l'égarement. Et il y a aussi, d'un autre point de vue, l'aspect des tentations, des désirs, puisque les ulama classifient tout le temps les déviations en deux catégories, les shubuhat et les shahawat. Les shubuhat, c'est-à-dire, qu'est-ce qui a rapport avec les désirs et les tentations illicites, tout ce qui peut attirer les jeunes vers le péché, vers les tentations, le zina, de vouloir se rapprocher du sexe opposé, de vouloir essayer d'avoir des relations en dehors du mariage, ou des choses comme ça. Également, tout ce qui peut être attirant, comme la musique, tout ce qui peut être tentant. Comme les choses qui sont illicites. Il y a le danger de l'alcool, le danger des drogues, le danger de toutes sortes de tentations qui peuvent pousser les jeunes à tomber dans le péché puis à se perdre par la suite. Et donc, il y a l'aspect des shubuhat qui est relié du côté de la croyance et de la pratique religieuse. Lorsque quelqu'un est touché par des égarements ou des déviations dans la compréhension de l'islam, ou bien dans la pratique religieuse. Les gens peuvent tomber dans des formes d'extrémisme, les gens peuvent tomber dans des formes de laxisme, les gens peuvent tomber dans des formes de déformation de la réalité, de la compréhension de la religion. Donc, pour ces raisons-là, les ulama ont traité de ce sujet et ils ont parlé de ces questions-là pour donner aux jeunes des armes et des outils pour se préserver de l'égarement dans toutes ses formes et pour leur donner des moyens de rester accrochés fermement à la vérité pour qu'ils puissent rester musulmans et être des musulmans forts et solides. Et donc on va commencer donc avec le livre de Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah qui a écrit ce livre au sujet justement des causes qui font que les jeunes peuvent rester accrochés à la vérité et des choses qui peuvent les amener à tomber dans la déviation. Et donc le livre, il est divisé en 4 chapitres. Et le premier chapitre, la première partie, c'est Al-Bab al-Awwal wa huwa hadithun mufassalun mukhtasar an asbab istiqamati al-shabab ijaban wa salban. Donc la première partie, c'est une parole détaillée au sujet des, mais c'est des points résumés, au sujet des causes de ce qui peut amener les jeunes à rester accrochés fermement à l'obéissance et des aspects positifs et négatifs reliés à ces causes-là. Et ensuite, le deuxième chapitre, Al-Bab al-Thani, le Cheikh il dit « فَقَدْ تَحَدَّثْتُ فِيهِ بِاِخْتِصَارٍ غَيْرِ مُخِلٍ عَنْ أَهَمِّ مَصَادِرِ أَسْبَابِ الْاِسْتِقَامَةِ » Donc il dit, j'ai parlé dans ce chapitre-là, en résumé, mais sans avoir de manquement, ou de sans avoir manqué de parler de qu'est-ce qui est le plus important, les causes les plus importantes et les références et les sources les plus importantes qui font que les jeunes peuvent rester accrochés à l'obéissance d'Allah et s'éloigner de la désobéissance. Et le troisième chapitre, il dit فكان الحديث فيه عن بواعث الانحراف أعاذنا الله منه وذلك في بضعة أعداد. Donc le cheikh en quelques points il a mentionné les causes de la déviation, ça c'est dans le chapitre 3. Et le chapitre 4, il dit فعنوانه تصنيف الشباب من طريق الصبر والاستقراء. Donc, il catégorise les différentes sortes de jeunes qui existent par rapport à qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il a constaté par rapport à l'observation et la lecture et tout. Et puis après, il dit وَأَمَّا الْخَاتِمَةَ فَقَدْ أَوْرَدْتُ فِيهَا قَلِيلًا مِنَ النُّصُوصِ وَالْآثَارِ الَّتِي تُخَالِبُ الْقُلُوبُ وَالنُّفُوسِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. Donc il dit à la fin, pour conclure, il a mentionné des textes et des paroles des salafs qui s'adressent au cœur et aux âmes, et il mentionne le verset 125 de sourate Al-An'am dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et quiconque Allah veut pour lui la guidance, il lui ouvre la poitrine à l'islam, tandis que celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut l'égarement, il rend sa poitrine serrée et gêné. Donc on commence avec le premier chapitre tout de suite, et le livre a été divisé. Donc vous allez voir comment le cheikh présenté le sujet. C'est vraiment simple parce qu'il a mis par points. Et c'est des petits points résumés, puis on pourra élaborer sur certains d'entre ces points-là, puis donner quelques explications ou quelques commentaires au fur et à mesure lorsque c'est nécessaire, inshallah. Donc il dit al-bab al-awwal asbab istiqamat al-shabab, les causes qui vont faire que les jeunes vont rester accrochés sur l'obéissance et vont se détourner de des péchés de la désobéissance. Premièrement, al-istiqama, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh il explique que al-istiqama huwa al-thabat 'ala al-ta'ati jumlatan wa tafsilan wa hajr al-ma'siyati kadhalik. Donc al-istiqama, ça veut dire de rester fermement accroché ou établi sur l'obéissance de façon générale et dans les détails de la religion, et de quitter ou de s'écarter de la désobéissance également. Donc l'istiqama, c'est ça. Souvent aujourd'hui on emploie le terme en arabe, les gens disent de quelqu'un lorsqu'il est ferme sur l'obéissance et qu'il se détourne de la désobéissance, ils disent c'est un musulman qui est multazim. Mais le terme multazim, c'est pas un terme exact. La réalité, le terme qu'on doit employer en islam, c'est mustaqim, hein, al-istiqama, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui est ferme sur l'obéissance. Hein, quand on dit par exemple siratun mustaqim, c'est la même racine, istiqama, mustaqim, c'est-à-dire qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est ferme sur l'obéissance et sur le fait de suivre la guidance et de s'écarter de la désobéissance. Donc c'est ça qu'on dit lorsqu'on voit quelqu'un qui pratique la sunna, qui s'accroche aux choses obligatoires et qui les pratique avec fermeté et qui se détourne des péchés, des désobéissances de façon générale et dans les détails de sa religion, on dit il est sur al-istiqama. C'est ça donc qu'on désigne par al-istiqama. Tandis que al-inhiraf, comme c'est mentionné dans le titre, al-inhiraf c'est le fait de pencher ou de dévier vers la désobéissance, ou bien de pencher ou d'avoir une tendance vers, il y en a de quitter la sunna vers la bid'a, ou de quitter l'obéissance vers le péché et la désobéissance, et ainsi de suite. C'est ça la déviation, c'est ça qu'on veut dire par al-inhiraf, de dévier. Le cheikh il dit فَإِنَّ مِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَبَطَ الْأَسْبَابَ بِمُسَبَّبَاتِهَا فَجَعَلَ لِلْإِسْتِقَامَةِ عَلَى الْهُدَى وَالْخَيْرِ أَسْبَابًا بِرَحْمَتِهِ وَفَضْلِهِ تَرْتَاحُ النُّفُوسُ فِي رَوْضَاتِهَا وَتُجْنِي ثِمَارَهَا الْيَانِعَةَ وَتَشْرَبُ مِنْ حَيَاضِهَا الْمُتَدَفِّقَةَ الصَّافِيَةَ وتقيل في ظلها الوارف الظليل إحسانا وبرا ممن بيده التوفيق لكل عمل صالح جليل وجعل سبحانه وهو العزيز الحكيم للانحراف عن سنن الهدى أسبابا وأهلا هم في خطوتهم يتيهون وبشهواتها المردية يتلذذون وسيعملون سيعلمون يوم يرجعون إلى الله أي منقلب ينقلبون ورب العزة لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون إذ هو الخالق وهم المخلوقون وهو الآمر الناهي وهم المتكلفون. Donc le cheikh dit, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a relié les causes à relier les effets et les causes ensemble. Il y a des causes et il y a des effets. Et ces choses-là sont reliées entre elles. Et donc, l'obéissance et la guidance, elle a des causes. Le fait d'être sur le droit chemin et d'être bien guidé, il y a des causes à ça. Et c'est par la miséricorde et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est guidé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets, Inna Allah yahdi man yasha, hein? Allah guide qui il veut, hein? Wa yudillu man yasha, et il égare qui il veut également. Mais il ne faut pas penser que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est séparée de sa sagesse, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a relié la guidance à des causes. Il a relié la guidance à des causes. Si quelqu'un fait ses causes, il recevra comme récompense la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde et par sa grâce. Et il pourra profiter de tout le bien qui découle de cette guidance-là, dans sa vie, d'ici-bas et dans l'au-delà. De même que la déviation aussi est reliée à des causes. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il égare qui il veut, mais cet égarement-là est relié aussi à une sagesse et à des causes. Et donc, si quelqu'un agit d'une certaine façon et fait certaines choses ou croit en certaines choses, eh bien, le résultat va être qu'il va être puni par Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va l'égarer à cause de ça. Donc l'égarement ne vient pas comme ça toute seule, elle vient avec des causes, c'est relié à des causes, d'accord? Et donc la volonté d'Allah d'égarer ou de guider est reliée à une sagesse, est reliée à des causes. Et quand vous lisez dans le Coran, vous pouvez voir dans plusieurs versets des exemples de ça. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils ont dévié, eh bien Allah a fait dévier leur cœur. Comme punition, parce qu'ils ont aimé. Hein? La déviation, ils ont choisi ça, et donc pour les punir, Allah les a fait dévier encore plus. Hein? Et il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts, hein, vers nous et dans nos chemins, eh bien on va les guider, hein, dans nos chemins. C'est pour dire que tu fais la cause et Allah subhanahu wa ta'ala te donne la guidance qui vient avec. D'accord? Donc ça c'est un point très important à comprendre. Et le cheikh il dit donc au jour de la résurrection, chacun va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala et il va voir, hein, les résultats de qu'est-ce qu'il a mérité. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, on ne peut pas le questionner sur ce qu'il fait, mais ce sont les serviteurs qui sont questionnés par Allah subhanahu wa ta'ala, et on est les créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui qui ordonne et c'est lui qui interdit, et nous, notre responsabilité, notre devoir, c'est d'écouter, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est nous qui sommes chargés d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui notre maître et on doit se soumettre à lui. Et donc le cheikh dit وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ أَسْبَابِ اسْتِقَامِ الشَّبَابِ تَتَخَلَّصُ فِي عِدَّةِ أُمُورِ أَهَمُّهَا مَا يَلِي. Donc il dit, ayant dit ça, donc on a compris, eh bien la cause ou les causes qui vont faire en sorte que les jeunes vont être bien guidés et qu'ils vont être fermes sur l'obéissance et qu'ils vont s'écarter et abandonner la désobéissance, eh bien on peut les résumer en plusieurs points, dont voici quelques-uns. Le cheikh il commence donc à énumérer les causes. Il dit awwalan, premier point, wujudul qudwatil hasana fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin aw man yaqumu maqamahuma bit-tarbiyati war-ri'aya بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أخرجه البخاري. Donc le cheikh dit, première chose qui fait partie des causes de la guidance, c'est d'avoir un bon exemple, un bon modèle dans la maison, hein, soit notre père ou notre mère ou celui qui a cette responsabilité de notre éducation, hein, de nous donner une bonne éducation et de donner aux enfants une bonne éducation et un bon exemple et un bon modèle à suivre, soit dans les choses concrètes par rapport aux choses matérielles ou bien les choses abstraites dans le sens des valeurs et des questions qui ont rapport avec la croyance et les aspects plus spirituels ou religieuses. Donc ça, tout ça, ça vient de nos parents. C'est la source première de qui découle l'orientation qu'on reçoit quand on grandit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, lorsqu'il dit que chaque enfant est né sur la fitra, c'est-à-dire il est né sur l'islam. Hein? Sa nature profonde, c'est l'islam. Le fait de reconnaître le tawhid, et de croire en l'unicité d'Allah, hein, et de comprendre que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que toute autre chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut être adoré par les hommes, c'est faux. Hein, et c'est complètement batil. Ça, c'est inscrit profondément dans la nature humaine. C'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-fitra. Et il dit que ce sont les parents qui vont faire par la suite que cet enfant-là, qui est né sur l'islam et sur la fitra, devienne juif ou chrétien ou majus. C'est-à-dire que si les parents sont juifs, ils vont élever l'enfant pour qu'il devienne juif. Ils vont détruire sa fitra, ils vont corrompre sa fitra et le faire devenir juif. Ou bien ils vont corrompre sa nature profonde et le faire devenir chrétien, ou bien majus, ou bien hindou, ou bien bouddhiste, ou bien athée, hein? Ou bien peu importe quelle autre croyance ou quelle autre pratique, si les parents sont sur cette voie-là. De même que s'il est né avec des parents musulmans, eh bien, si les parents sont des khawarij, ils vont l'élever sur la voie des khawarij. Si les parents sont des soufis, ils vont l'élever sur la voie des soufis. Si ce sont des asha'ira ou d'autres voies, c'est la même chose. Ils vont l'élever sur la bid'a. Donc ils vont corrompre sa fitra, hein, et l'amener vers les innovations et les égarements. Et donc, on voit dans ce cas, on voit l'importance d'avoir, hein, un bon modèle et des parents qui vont justement éduquer les enfants sur l'islam pur, sur le tawhid et la bonne compréhension de l'islam, sur la compréhension des salaf al-salih, et d'avoir des parents qui sont sur la sunna et qui sont justement éloignés des bid'ah et des innovations. Lorsque les parents sont sur cette voie-là et qu'ils sont sincères et qu'ils font des efforts pour éduquer leurs enfants sur cet exemple-là et qu'ils sont des bons modèles et qu'ils pratiquent qu'est-ce qu'ils croient, eh bien l'enfant, inshallah, aura un bon modèle à suivre. Et ça, c'est une des plus importantes parmi les causes, hein, de la guidance. Thaniyan, nadafatul manzil من وسائل الزير والانحراف بشتى صورها وكافة أنواعها مما لا يخفى على العقلاء العارفين في هذا الزمان. Une autre cause parmi les causes de la droiture et du fait qu'on reste fermement accroché à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on nettoie notre demeure, notre maison, et on la purifie de tout ce qui pourrait être une cause ou un moyen de la déviation et de l'égarement. Et peu importe les différentes formes que peuvent prendre ces différents moyens d'égarement-là. Et le cheikh, il dit, il n'a pas mentionné d'exemple, mais il a dit, toute personne qui est raisonnable et qui connaît les différents moyens et les différentes causes d'égarement à notre époque, il peut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de mentionner. Et moi, je peux vous donner comme exemple la télévision. D'accord? C'est une des causes qui peut être une grande porte vers l'égarement de nos enfants. Parce que si notre environnement à la maison, il est propre, que nous, on est un bon exemple et un bon modèle pour nos enfants, puis que par la suite, on a, par exemple, à la maison, une télévision, et que on laisse les enfants regarder tout ce qu'ils veulent, ou n'importe quoi, ou bien quand on est absent, et eux, ils sont devant la télévision, ils vont regarder ce qu'ils voient, ça va être une fenêtre ou une porte ouverte vers toutes sortes de déviations. Et il y a d'autres moyens également, comme par exemple, à notre époque, les ordinateurs, et avec l'Internet, et toutes ces choses-là. Hein? Combien de jeunes sont tombés dans l'égarement et dans la déviation, soit dans les shubuhat, soit dans les shahawat, hein, soit dans des doutes et des ambiguïtés de la croyance, parce qu'ils sont rentrés dans des sites internet, parmi les sites des gens de kufr ou de shirk ou de bid'a, et ils ont été affectés par ça, puis ils sont tombés dans l'égarement, soit ils ont eu des doutes dans leur croyance, soit ils ont commencé à prendre des idéologies et des pensées ou des façons de comprendre qui sont déviées. Hein? Souvent, il y en a beaucoup parmi les jeunes qui sont rentrés dans les groupes de khawarij. Et bien, c'est dans les sites de takfir et de khawarij qu'ils sont rentrés. Ils ont eu des doutes et ils sont tombés dans la bid'a à cause de ça. Et il y a aussi les shahawat, ça on n'a pas besoin de mentionner. Tout le monde sait les tentations et les choses illicites qu'on peut trouver dans ces choses-là. Et de même que les autres moyens, les autres médiums qui peuvent être des causes de corruption et d'égarement, il faut nettoyer sa maison de ça. Hein? Et comme on dit souvent à notre époque, le mal est tellement devenu généralisé et tellement normal pour certains que si tu leur dis de t'as pas besoin d'une télévision chez toi, ils vont te regarder comme si Yanni était un extrémiste. Quoi? Pas de télévision? Comment tu peux vivre aujourd'hui sans télévision? Comme si l'humanité, il n'a jamais Yanni été à une époque où il n'y avait pas ces choses-là. Et comme si à l'époque où les gens n'avaient pas ça, ils étaient malheureux et qu'aujourd'hui on a découvert le bonheur à cause de ces choses-là. Alors que si tu regardes bien, c'est le contraire. Hein? Donc il faut bien comprendre qu'on n'a pas besoin de ces choses-là. Et mais pour arriver à ce niveau, et pour arriver à se détacher de ces choses-là, parce qu'on est devenu parfois même esclave de ça, pour arriver à ce niveau où on est capable de se détacher de ces choses-là, on est arrivé à penser même que c'est obligatoire, que c'est nécessaire, alors que ce n'est pas le cas, eh bien il faut commencer à s'habituer psychologiquement soi-même, à se détacher de ces choses-là petit à petit. Troisièmement, le cheikh il dit « اهتمام منسوب التربية والتعليم بالشباب ممثلة في الإدارة العامة ثم الإدارات الخاصة وذلك لأن الإدارات العامة يتعين عليها بذل الجهد في اختيار مدير المدارس على اختلاف مستوياتها ذكورا وإناثا ووكلائها ومرشدي الطلاب وكافة أساتذتها إذ إن هذه المهمة هي مهمة هذا الصنف من الناس ولا تبرأ ذممهم إلا ببذل الجهد في حسن الاختيار بما تحمل كلمة الاختيار من معنى. Le cheikh ici parle يعني d'un autre niveau aussi, parce que il parle par rapport à un pays musulman et il parle de la direction dans l'organisation et la gestion des écoles, l'administration. Donc il dit que ceux qui sont responsables de l'éducation et de l'enseignement des jeunes, eh bien, quand on parle de l'administration dans les écoles, eh bien, ils ont une responsabilité de choisir les bons directeurs et les bons professeurs dans les écoles. Barakallahu fik. Donc ça, c'est très important, d'accord? Et même si ici, il y a quelques écoles musulmanes, il y en a des écoles musulmanes. Et souvent, on entend les musulmans qui disent « on a besoin des écoles pour les enfants ». C'est sûr que c'est important, mais en même temps, plus important que l'école, les professeurs. Hein? Parce que souvent, c'est ça le problème. On a des écoles musulmanes, mais des professeurs qui ne sont pas des bons musulmans, ou bien qui n'ont pas une bonne compréhension de l'islam. Donc, on envoie nos enfants chez des gens comme ça, qui, par la suite, étant donné qu'ils n'ont pas de connaissances, ou bien qu'ils n'ont pas de compréhension correcte de la religion, ils finissent par égarer les enfants d'une autre manière. Donc, on dit, bon, au moins on a l'école musulmane, mais c'est seulement le nom. Hein? On dit l'école, elle est musulmane, mais c'est juste un nom. Parce que si tu regardes dans l'intérieur de l'école, il n'y a pas vraiment grande différence entre l'école musulmane puis l'école non musulmane. Ou bien l'école musulmane, elle n'est pas nécessairement sur la sunna. Peut-être que les gens qui gèrent l'école, eux, sont des gens qui ont différentes tendances. Donc, ça, c'est des choses très importantes. Et puis, c'est pour ça que, à notre niveau, peut-être que ça ne s'applique pas, mais le cheikh, il parle de quelque chose qui est une réalité dans les pays musulmans, que ceux qui ont une responsabilité plus grande, ceux qui ont une autorité plus grande, ont une responsabilité plus grande, puisqu'ils doivent choisir toute l'administration et les professeurs, et ainsi de suite. Au niveau en dessous, le cheikh, il dit « وَأَمَّا الْإِدَارَةَ الْخَاصَّةَ وَهِيَ الْمُبَاشِرَةَ فِي التَّعْلِيمِ فَإِنَّهُ يَتَعِيَنُ عَلَيْهَا أن تسهم إسهاما فاعلا في متابعة المدرس وتوجيهه من كسب وتكريمه إن أحسن وتنبيهه إن قصر واقتراح تنحيته عن عمل التدريس إن هو أهمل أو فقدت منه القدوة الحسنة ورويت منه القدوة السيئة لأن من هذا شأنه لا يصلح أن يكون مربيا. Donc, d'un autre côté, il y a l'administration plus particulière qui est directement en contact avec l'enseignement. Et donc, eux, leur responsabilité, c'est de surveiller les professeurs. pour être sûr que ceux qui vont enseigner, hein, s'ils font du bien, ils vont être récompensés. S'ils font pas bien leur travail, eh bien, ils vont être conseillés et remis sur le droit chemin. Puis, si on constate que ce ne sont pas des bons modèles, des bons exemples pour enseigner aux enfants, eh bien, dans ce cas-là, si c'est nécessaire de les enlever de leur fonction et de les remplacer par des meilleurs professeurs, dans ce cas-là, oui. Hein? Mais ça, c'est ceux qui ont une responsabilité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en contact direct avec les jeunes. Et donc, c'est important de veiller à ce que ceux qui sont en contact avec les jeunes ne vont pas être une source d'égarement et de déviation. Donc, il faut veiller à leur... qu'ils ont une bonne aqidah, un bon manhaj, un bon comportement pour qu'ils soient un bon exemple et un modèle pour les enfants. Ça c'est beaucoup plus important de commencer par réunir ces choses-là, hein, pour penser à faire une école, que de commencer à penser juste à avoir les murs et les locaux et l'infrastructure, mais on n'a pas le personnel à la hauteur et qualifié pour faire le travail. Donc ça, c'est un problème. Tandis que si on a des profs qualifiés, puis des bons exemples, et que on n'a pas l'infrastructure, on peut toujours s'organiser, puis essayer justement de faire en sorte d'obtenir ces choses-là si on en a besoin. Et il y a beaucoup de façons de le faire, et il y a des frères dans différents pays qui ont réussi à faire des écoles musulmanes bien structurées, bien organisées, comme les frères de l'Angleterre à Birmingham. Ils ont une bonne école salafi et mashallah, on n'entend que du bien de ces frères-là qui mashallah ont réussi à faire un bon modèle d'école islamique, mais basé vraiment sur le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf salih. On ne peut pas s'enfuir de cette responsabilité-là, pas juste dans les pays non musulmans, comme là je parle d'ici, on est à Montréal, mais même dans les pays musulmans, on a besoin de ça. Parce que dans les pays musulmans, parfois les écoles publiques ne sont pas à l'image de l'éducation islamique qu'on recherche. Hein? Et ils ne se basent pas nécessairement sur l'exemple de yani, qu'est-ce qu'on connaît du Coran et de la Sunna. Donc il faut même dans les pays musulmans veiller à ces choses-là, puis faire en sorte que ces choses-là s'en aillent dans cette direction-là, inshallah. Et le cheikh il dit صلاح المنهج لا سيما ما يتعلق بالمواد الدينية واللغوية والتاريخية ولما لهذه المواد من التأثير العجيب في صفاء العقول وصلقها وصلاح القلوب وحياتها وذلك إذا وفق المدرس لتذكير الشباب بربط العمل بالعلم إذ إن ذلك هو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهذا الأمر صلاح المنهج من اختصاص القائمين على وضع المناهج والنظر في يعني في ملائمتها للمستويات المختلفة. Donc ça c'est une autre chose qui est très très importante, c'est la méthodologie et le programme d'enseignement. Surtout, qu'est-ce qui a rapport avec les matières religieuses, linguistiques, historiques et autres. Parce que ce sont des matières qui ont un effet très important sur la pureté de la raison et de la compréhension et la pureté des cœurs des enfants et de leur vie. Si les enfants n'ont pas une bonne conception de l'histoire, une bonne conception, une bonne compréhension de la croyance islamique et de la aqida et de la langue, la langue arabe par exemple, mais ça va faire en sorte que tout le reste de leur éducation va être boiteux, va être incorrect, parce que la base c'est la aqida, c'est la croyance, et l'histoire c'est relié à la aqida. Beaucoup de gens ils font une distinction entre l'histoire et la aqida. Tu peux pas dissocier la aqida et l'histoire, parce que l'histoire c'est des faits, hein? C'est comme des billes, hein, d'un collier. Tu dois les relier avec un fil pour que ça fasse un collier. Si tu enlèves le fil qui tient les billes, ça fait des billes éparpillées, mais ça ne fait pas quelque chose qui se tient ensemble. Hein? Donc, c'est des événements et des faits qui se passent Mais tu as besoin d'un fil conducteur pour les relier ensemble, pour que ça fasse du sens. Et ce sens-là, il est directement attaché à la croyance et à la aqida. Et c'est ça qui fait en sorte que tu peux distinguer entre la vérité et le faux. Hein? Et il y a un bon livre qui a été écrit sur ça, le livre de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, Al-Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha. Hein? Donc toute la conception et la compréhension de l'histoire, elle change selon ta aqida. Hein? Si tu regardes l'histoire et que, par exemple, tu regardes l'histoire selon la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a, la aqida des salaf, tu vas comprendre l'histoire d'une façon. Mais si tu es un khariji ou un shi'i, rafidi, tu vas comprendre l'histoire d'une autre façon. Hein, parce qu'eux, ils déforment la réalité, ils déforment les sens pour suivre leur passion et leur désir. Donc, al-hawa, c'est ça le danger, la passion. Lorsque quelqu'un n'a pas une bonne aqida, il déforme la réalité pour suivre ses passions. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il faut que les profs, les professeurs aient un bon programme. Et qu'ils soient des professeurs qui sont capables de relier la connaissance qu'ils ont avec l'application et la pratique religieuse. Puisque ça, c'est la voie de ceux sur qui Allah a mis sa grâce. Comme il dit dans Surat Al-Fatiha. Ihdina Surat Al-Mustaqim, Surat Al-Ladina An'amta Alayhim. Le chemin sur ceux sur qui tu as mis ta grâce. Le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce, c'est qui? C'est qui ces gens-là qui ont la grâce d'Allah? C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans surat An-Nisa, il dit, min alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Donc ce sont eux al-mun'am alayhim. Ce sont eux qui ont la grâce d'Allah. Et Allah on lui demande de nous mettre sur leur chemin, qui est le droit chemin. Et donc leur droit chemin, c'est quoi? C'est d'avoir la connaissance et de le mettre en application. C'est pour ça qu'il nous dit dans le verset qui suit, Sirat alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdoub alayhim wa al-dallin. Al-maghdoub alayhim, ceux qui ont la science mais qui ne l'ont pas appliquée. Wa al-dallin, ceux qui n'ont pas la science mais qui font des pratiques religieuses sans connaissance, à cause de ça ils se sont égarés. Et Allah, il nous dit, soyez pas de ceux-là, et soyez pas de ceux-là, mais soyez de ceux qui ont suivi le droit chemin, sur ceux sur qui j'ai mis ma grâce, qui ont la connaissance et qui le mettent en application, qui l'ont mis en application. C'est ça que ça signifie. Et donc, c'est ce genre de professeurs qu'on a besoin, et c'est des gens qui suivent cette méthodologie qui est claire et qui est complète. Et donc, le programme d'études, très important. Après, il dit, وَتَرَابُطُ الْمُجْتَمَعْ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ عُقَلَائِهِ مُسْهِمًا فِي رِعَيَةِ الشَّبَابِ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ مُبْتَدِئًا بِأُسْرَتِهِ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وتأسيا بفعل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث بدأ بدعوة عشيرته ثم عمت دعوته جل الدنيا بالرياح المرسلة ومتجاوزا ذلك إلى أبناء إخوانه في مجتمعه ويحوطهم بنصحه وتحفهم بتوجيهه يتحفهم بتوجيهه إن كان ممن يملك ذلك أو يوعز إلى الآخرين عندما يستدعي ذلك إلى التنبيه. Donc ça, c'est une autre chose qui est importante, et que ici, par exemple, dans un pays comme ici, par exemple, qui n'est pas un pays musulman, on a du mal peut-être à concevoir. Mais pas seulement ça, c'est que ici, ce serait peut-être même presque impossible d'avoir ça. Ça, c'est une des choses qui fait que les musulmans doivent réfléchir à la hijra, doivent réfléchir à quitter les pays non musulmans pour aller s'installer dans les pays musulmans, pour essayer justement d'obtenir ce genre de points. Qu'est-ce que le cheikh, il parle du fait que la société doit être attachée, chaque partie, chaque élément de la société doit être attaché à l'autre. Il doit y avoir une tarabut, comme on dit, des liens serrés et fermes entre chaque élément parmi les éléments de la société, et en particulier les gens raisonnables et intelligents parmi eux, pour yani, s'occuper des jeunes, selon chacun selon sa capacité, en commençant par la famille, bien entendu. Parce que la famille musulmane, elle a le rôle principal dans la guidance et dans l'éducation. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 214, dans Surat al-Shu'ara, « Wa anzir ashirata kal aqrabin » C'est-à-dire, commence par avertir tes proches parents, ta proche famille. Tout prophète, dans la da'wah, il commence toujours par ses proches. Puis, une fois qu'il a averti ses proches, il va avertir ceux qui sont plus loin. Et ainsi de suite. Donc, on prend l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a commencé sa da'wah par ses proches, par ceux qui sont de sa famille, de sa tribu, et ainsi de suite. Et ensuite, sa da'wah, elle a yani, conquis le monde entier. Et elle s'est répandue partout. Et donc, tout ça, par la suite, ça a eu un effet sur la société. Aujourd'hui, les gens, ils pensent à l'envers. Hein? Ils veulent tout faire en grand, puis commencer en grand, alors que yani, la base, c'est de commencer par soi-même, par sa famille et par ses proches. Hein? Des gens qui veulent aller sortir, faire da'wah à l'autre bout de la terre, puis il laisse sa famille, peut-être même sa famille dans l'égarement. Et il y a des groupes comme ça, malheureusement, parmi les musulmans, qui prétendent, qui pensent faire la da'wah, qui partent des mois à l'extérieur, dans d'autres pays, pour faire soi-disant la da'wah, alors que souvent ils n'ont même pas de science pour le faire, et ni la capacité, puis ils laissent leur propre famille dans les problèmes et l'égarement, et ils les laissent... Hein, pendant des longues périodes de temps, sans orientation, sans guidance, sans éducation. Ça, c'est pas correct. Donc, tu commences par ta propre famille, par ta propre maison, par tes proches, puis tu vas, ainsi de suite, par la suite, avec le reste de la société. Ensuite, le cheikh, il dit, « وَرَبْتُهُمْ بِالْمَسَاجِدِ لِأَدَاءِ فَرَائِدِ الصَّلَاةِ جُمُعَةِ وَجَمَاعَةِ وَتَرْغِبِهِمْ فِي الْحِرْصِ عَلَى السُنَنِ الرَّوَاتِبِ لَسِيَمَا الْوِتْرِ وسنة الفجر بل ترغيبهم في قيام الليل مع إيضاح ما جاء في فضله من سعادة الدنيا والآخرة فإن التزام الشباب بذلك له أعظم الأثر في حسن سلوكهم وسداد حالهم وصلاح نفوسهم وقلوبهم. Donc une autre chose qui est importante par rapport à l'éducation des enfants, c'est, et en particulier dans des pays comme ici, de les relier et les rattacher à la mosquée. De les relier et de les rattacher à la mosquée pour pouvoir établir les prières obligatoires en groupe et la prière de Jumu'ah, et de les inciter à faire des efforts à établir les prières surérogatoires, yani, et en particulier les rawatib, comme par exemple le witr, la prière, l'unité de la raka qu'on doit faire à la fin de la journée, et ou bien de la nuit plutôt, et sunnatul fajr, les deux raka qu'on fait avant la prière de l'aube, hein, qui sont raka'atin, qui sont surérogatoires, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont yani, parmi les rawatib al-mu'akkada. Hein. Donc ça, c'est très important. Et d'inciter également les enfants à faire la prière la nuit. De prier la nuit parfois, bon, même si parfois nous-mêmes, les parents ou les responsables des enfants, on ne fait pas ça. Hein. Ça, c'est une chose qu'on doit travailler sur nous-mêmes pour essayer d'arriver à le faire de temps en temps. Et parfois, on parle de prier la nuit ou de faire qiyam al-layl, et les gens, automatiquement, ils s'imaginent, ah, ça implique qu'on doit se lever la nuit puis prier et aller toute la nuit. Non, tu peux te lever, tu fais 4 rak'atayn. Ou bien 4, puis tu retournes te coucher. C'est pas obligatoire que tu vas passer 2-3 heures à faire Qiyam al-Layl. Hein? Donc, Qiyam al-Layl, ça peut juste être raka'atayn, tu te lèves, tu pries 2 raka'a, ça prend 10 minutes, puis tu retournes te coucher. Et tu as fait Qiyam al-Layl. Hein? Donc, il ne faut pas yani, penser que c'est si difficile que ça. Mais il faut s'habituer à le faire. Hein? Comme si par exemple tu dis, bon, je vais essayer cette semaine de faire Qiyam al-Layl une fois ou deux pendant la semaine, peut-être que hein, je vais le faire, après je vais m'habituer petit à petit, peut-être je vais le faire plus par la suite. Mais ça vient petit à petit comme ça, on prend des habitudes, puis c'est en faisant les efforts que on développe ces choses-là, ça fait partie de nous par la suite. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Mais on demande l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ces choses-là. Le cheikh, il dit, on explique en même temps aux enfants que dans le fait de prier la nuit comme ça, eh bien, il y a le bonheur de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Parce que la plupart des parents, maintenant musulmans, ils ont même de la misère à s'accrocher aux 5 prières obligatoires, hein, de la journée. Et à la mosquée, lorsqu'ils peuvent venir, parce qu'il y a le travail, il y a l'école, il y a toutes sortes de distractions, hein, on n'est pas dans un pays musulman. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les enfants, hein, s'ils se battent pour essayer de faire le minimum, si ils se battent pour faire le minimum, ça veut dire qu'ils vont penser que l'islam, ça se limite à ça. Hein? Ils ne vont pas savoir que, non, il y a plus que ça. Il y a les rawatib, il y a les nawafil, il y a qiyam al-layl, il y a ci, il y a ça. Donc, le fait de leur montrer ça, eh bien, ça leur fait comprendre qu'en réalité, on n'est pas des bons musulmans pour de vrai. C'est-à-dire, on est des musulmans, mais notre islam, il est faible. Et on a toujours de la place pour s'améliorer, devenir des meilleurs musulmans. Et ça, c'est important d'enseigner, d'après Allahu A'lam, mais je pense que c'est important de faire comprendre aux enfants qu'on n'a jamais atteint le niveau de satisfaction personnelle dans notre vie, dans notre religion, en tant que musulmans. Il faut leur apprendre ça, parce que je rencontre plein de jeunes qui font même pas le minimum, puis qui pensent, ça y est, moi je suis un bon musulman. Et tu vois souvent cette idée-là chez les musulmans, moi je suis un bon musulman. Et on devrait avoir honte de dire ça. En réalité, on devrait tous se dire, je suis pas un bon musulman, je veux devenir un bon musulman, je veux faire des efforts pour l'être. J'essaie de faire mon possible pour être un bon musulman, mais je suis pas encore arrivé. Hein, j'ai encore beaucoup de manquements, beaucoup de faiblesses, beaucoup d'ignorance, beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Et j'essaie petit à petit de devenir un bon musulman au fur et à mesure dans ma vie. Ça, c'est très important. Comme ça, si tu éduques tes enfants comme ça, ils vont connaître la modestie, ils vont connaître l'humilité, ils vont connaître l'effort nécessaire à faire pour s'améliorer et s'approfondir dans la foi et dans la pratique religieuse. Mais si tu leur fais comprendre que non, ça y est, on l'a atteint, on est arrivé au degré, au niveau, on n'a pas d'effort à faire, ils vont se laisser aller facilement dans la paresse et dans le délaissement. Et donc ça, c'est très important. Et ça aura un effet très fort sur le comportement et la bonne éducation des enfants. Et un bon effet sur leur âme et sur leur cœur. Le point numéro 8, le cheikh il dit, targhibuhum wa hassuhum ala mujalasat al-uqala as-salihin wal-ulama as-salafiyin an-nasihin alladhina yuntaqa fi majalisihim atyab al-kalam alladhi yas'adu ila Allah al-malik al-allam walladhina daraba lahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arwa' al-mithal حيث شبههم بصاحب المسك الذي إذا جلست إليه إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Donc le cheikh il dit également que une des choses qui est très, très importante pour l'éducation des jeunes, c'est de les inciter à s'asseoir avec les gens qui sont intelligents et qui sont pieux, hein, qui sont vertueux, et avec les savants aussi, les tulab al-ilm, les ulama, as-salafiyin, qui sont sur la compréhension des salafs et qui sont sincères et qui donnent les bons conseils, hein, et de choisir les meilleures personnes avec qui s'asseoir, parce que quand on s'assoit avec eux, on entend les meilleures paroles, les paroles les plus belles, qui sont élevées jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple dans un hadith, il a comparé le fait de s'asseoir avec ces gens-là avec le fait de s'asseoir avec un vendeur de parfum. Tu t'assois avec lui, soit il va te donner du parfum, et s'il ne t'en donne pas, mais au moins tu vas profiter de son bonne odeur. Par opposition à ça, il a comparé le mauvais compagnon à celui qui est comme un forgeron. Soit il va brûler tes vêtements, ou bien tu vas être ennuyé ou embarrassé par son odeur parce qu'il ne sent pas bon, il sent mauvais. Donc ça c'est le mauvais compagnon, il le compare au forgeron. Donc c'est pour dire que il faut choisir les meilleures personnes et les meilleurs comportements. Et en passant, c'est important d'enseigner à nos enfants, depuis qu'ils sont petits, et quand ils sont jeunes aussi, de leur faire savoir qui sont les ulama, de leur montrer les ulama, de les faire entendre les ulama, et de leur enseigner les noms de nos ulama, pour qu'ils les connaissent et pour qu'ils les aiment et pour qu'ils les respectent. Comme ça, ils auront de l'amour et du respect pour les ulama. Et ils vont savoir vers qui se tourner lorsqu'ils ont des questions, lorsqu'ils ont des choses à apprendre sur l'islam. Tandis que si tu leur dis pas qui sont les ulama, ils ne savent plus vers qui se tourner et qui sont les références pour nous dans l'islam et dans notre religion. Donc c'est très important de faire connaître à nos enfants les ulama, hein, surtout à notre époque, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Cheikh Rabi' Al-Madkhali, Cheikh Mohammed bin Hadi Al-Madkhali et beaucoup d'autres parmi les grands ulama, Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad et ainsi de suite. Quand vous leur faites connaître ces grands noms et vous leur faites entendre, et même parfois vous pouvez aussi leur faire voir, hein, eh bien, ils vont avoir du respect, ils vont savoir qui sont les ulama, ils vont savoir la différence entre le jahil et le alim, la différence entre un ignorant et un savant. Ils vont savoir qu'il y a des hommes qui sont plus âgés, qui ont beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience, et que c'est vers eux qu'on retourne quand on a des questions, pas n'importe qui. Hein? Donc ça c'est fondamental, et si on est proche de ces savants-là, de les visiter, d'aller s'asseoir avec eux, ça c'est possible. Si c'est pas possible parce qu'on est trop loin, mais il y a toujours d'autres moyens. On peut écouter leurs audios, hein? Même les petits-enfants, des fois, tu leur dis, écoute, ça c'est Cheikh Al-Fawzan qui parle, ça c'est Cheikh Yani Rabi Al-Madkhali qui parle, ça c'est Cheikh Mohamed Aman qui parle, ça c'est Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Rahimahullah, il est décédé, mais c'était un grand savant. Hein? C'était un de nos grands ulama. Tu leur enseignes à reconnaître les voix, à reconnaître leurs paroles, à les écouter, à les aimer, à les respecter. Ça, c'est fondamental. Hein? Plutôt que de leur apprendre à respecter et à aimer des vedettes, ou des chanteurs, ou des koufars, ou bien des vedettes, des joueurs de sport, ou bien je ne sais pas quoi d'autre encore. Hein, il y a des enfants, ils connaissent le nom des joueurs des équipes de tel sport. Mais si tu leur demandes c'est qui les ulama, ils ne connaissent pas. Hein? Tu leur demandes c'est qui le prophète, ils ne connaissent pas. C'est qui les sahaba, ils ne connaissent pas. C'est qui les ulama, ils ne connaissent pas. Il faut leur enseigner ces choses-là. Et donc, on va s'arrêter ici pour le moment. Puis, à la prochaine intervention, Inch'Allah, on va continuer avec d'autres exemples de qu'est-ce que le Cheikh a mentionné par rapport aux causes de la guidance. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.